Ferme les yeux et imagine-toi dans le paradis de ton Seigneur. Écoute ce récit et vis-le avec moi. Imagine. Imagine-toi devant les portes du paradis, des anges qui t'accueillent. Les portes s'ouvrent. Bienvenue dans la demeure de ton Seigneur. Assalamu alaikum. Aujourd'hui, ni rancune ni mal-être dans ton cœur. Regarde ton palais et tes épouses. Voilà la récompense des bienfaiteurs. Voici la promesse de ton Seigneur, une vie éternelle. Tu auras là des épouses belles, des êtres immortels. Tu auras tout ce que tu souhaites, des fruits de toutes sortes. Des vices d'affaires, voilà que les anges qui t'escortent. Nulle crainte aujourd'hui ne t'accable et nul chagrin ne t'afflige. Telle est la récompense des patients et des gens pieux de cette vie. Tu auras là des vêtements en soie et des coupes en or, dignes d'un palais d'un roi. Ta sueur sentira le musc et devant toi des bols. Tu verras des visages qui rayonnent la joie et la sécurité, des cœurs apaisés, des oiseaux qui chantent en toute paix. De la musique que nul aurait inattendue, émerveillée. Bienvenue dans le paradis de ton Seigneur. Il t'invite dans sa demeure, il souhaite te rencontrer en tout honneur. Ainsi il voudra te voir, chez lui tu seras tout en pleurs. Tu désires voir son visage, tu t'impatientes. Le créateur de l'univers sera devant toi tout ému, des larmes en abondance. Ainsi le Seigneur qui est là. Ainsi je me suis prosterné devant des mois, des années. Allah, Allah, Allah, Alhamdulillah.